Et vous l'avez compris, vous êtes dans l'émission Menu étudiant spécial qui commence pour une fois à 19h et qui fait suite à Pomme, Parole d'Outre-Mur. On les remercie d'ailleurs. Alors, cette émission spéciale Menu étudiant, elle commence à 19h et elle finira à 20h, une émission d'une heure, contrairement à la demi-heure habituelle. Pourquoi ? Bah parce qu'évidemment, au cœur de ces 30 heures de radio non-stop, on a voulu faire la part belle, à une de nos émissions phares, une quotidienne qui s'appelle Menu étudiant et que j'espère vous connaissez. Avant de vous en parler un petit peu plus, je vous rappelle que chaque heure a une année qui lui est dédiée. Là, nous sommes sur l'année 1995 et dans ces eaux-là, il y avait un petit nouveau qui débarquait, qui s'appelait Jean-Luc Carle, et on vous propose son interview en direct tout de suite. Bonjour Jean-Luc, est-ce que ça va ? Salut Florent, ouais ça va, ouais. Alors moi je voulais avoir ton témoignage par rapport à ces 30 heures de radio non-stop, par rapport à ces 30 ans de Fadjet, parce que toi tu es arrivé à peu près dans ces eaux-là, tu es arrivé en quelle année En 96. 96, donc j'ai un an d'avance, mais ouais, voilà, oui, bon, on est raccord, on va dire que tu étais déjà à dans les parages. À 30 ans près. Ouais, on n'est plus à ça près, effectivement. Alors est-ce que tu peux nous expliquer quel était ton rôle avant ? Est-ce que c'est toujours le même que maintenant, c'est-à-dire responsable technique ? Ah non, pas du tout. Non, non. Au début, je suis venu pour monter l'émission Charlie & Co. D'accord. Dont Stéphane est venu tout à l'heure parler. Et donc, je m'occupais de monter les différents reportages qu'il allait faire. Voilà. Et il me ramenait des fois une demi-heure de son, 45 minutes de son. Et puis, avec ça, il fallait en faire 10 minutes. Ouais, ça c'est sympa comme boulot. En fait, c'est de la découpe. Mais donc, tu as toujours été du côté technique quand même. Du côté technique. Mais dans le moment-là, on n'avait pas encore d'ordinateur. Ah oui, alors ça, il faut que tu nous racontes. Voilà, comment on travaillait l'outil radio avant ? On travaillait avec des bandes Revox et puis du scotch. Et donc, on faisait le montage avec un crayon, une sorte de craie, quoi. D'accord. Et on marquait la bande où on voulait couper le début, ce qu'on appelle le point in et puis le point out, avec donc toujours le marqueur. Et puis après, on prenait un ciseau et on coupait la bande. Et ce qui fait qu'un montage qui prenait un quart d'heure, maintenant avec l'ordinateur, on le fait en 2 minutes. Effectivement. Alors, il y a un truc qui est assez extraordinaire hein, pour ceux qui touchent un peu au logiciel de son. Faut que vous veniez voir à quelle vitesse Jean-Luc est capable de monter une bande-annonce ou un reportage. C'est assez impressionnant. Alors, lui, il dit oh, c'est normal. Parce qu'il y a du métier derrière. Ouais, mais je peux vous dire que c'est assez impressionnant quand on arrive, en tout cas dans les premières fois, à Radio Fadjet. Alors, si tu avais un mot pour définir Fadjet, tu utiliserais lequel ? Famille. Fadjet, c'est une grande famille. Famille. Alors, on a eu accueil, maison, famille. C'est vrai que tout ça se... Ça se rejoint. Ouais. Ça se rejoint, ouais, exactement. Ouais. Alors, en 1996, quand tu es arrivé, comment elle était la maison techniquement ? Il y avait tout à faire ? Oh, il y avait tout à faire. Non, il y avait quand même pas mal de choses en place. On le doit à Ghislain Pierrot, notamment. Et puis, oui, il y a l'informatique qui est arrivée un an après, peut-être. D'accord. Hein, on a commencé à automatiser l'antenne. Alors, qu'est-ce que tu appelles automatiser l'antenne pour les auditeurs qui ne connaissent pas ? Avant la radio, il faut savoir que c'était des bandes Revox qui tournaient, hein, c'était pas un ordinateur, donc on enregistrait les bandes Revox et puis on les rediffusait la nuit ou dans la journée. Et puis on avait aussi des cassettes, on avait un lecteur de cassettes à 5-6 cassettes qui s'enchaînaient et qu'il fallait régulièrement venir changer les week-ends. On changeait les cassettes le week-end. Quand il y en a une qui n'était pas enroulée, qui s'était pas enroulée dans l'après-midi et qui avait coincé le lecteur de cassette, et du coup il y avait plus rien à l'antenne. Ça devait être folklore quand même. Ouais. C'était. Mais bon, je regrette pas d'avoir connu ces moments-là parce que bon, maintenant les jeunes, ils arrivent, ils voient l'ordinateur, ils voient le montage sur ordinateur. Ils comprennent pas forcément ce qu'on fait, alors que si on revient à l'origine avec une bande Revox, faudrait leur donner des punitions à la bande Revox. Ouais, voilà. C'est pour ceux qui font. Non, on garde hein, des Revox quand les stagiaires y viennent. On leur dit, avant, on faisait comme ça le montage. Alors, je veux pas te prendre au dépourvu en te demandant ton meilleur souvenir. Par contre, je sais que quand même, il y a une particularité, un peu comme Yves Antoine, un petit peu comme Thomas Cario. Il y a une belle histoire qui s'est déroulée derrière Fadjet, pour toi personnellement. Personnellement. Non, tu ne vois pas ? Que j'ai rencontré ma compagne Je pense à la radio, que oui, par ça, exemple, hein, ça peut être quelque chose de... Le mec qui fait dans Closer maintenant, quoi. Mais moi, c'est ça. C'est pour ça que Fadjet est une famille. Ah, non, c'est bizarre quand tu dis ça comme ça. C'est un peu bizarre quand tu dis ça. Mais... Oui, oui, oui, non, faut dire que la famille s'est fait grâce à Fadjet, voilà. Mais oui, je vois ce que tu c'est veux que dire. Le mot famille, pour moi, ça représente beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Bon, alors on a dit le mot, c'est famille. Il y en a des autres. Hein. Oui, accueil, maison, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup. Est-ce que tu pensais qu'un jour, on fêterait les 30 ans de Fadjet? Je me suis jamais posé la question. Mais a priori, oui. C'est vrai que la radio a connu des hauts et des bas. Il y a eu quelques années où on se demandait si on allait encore vivre plusieurs années. Et puis bon, voilà, on arrive aux 30 ans, donc pourvu que ça dure. Bah écoute, je pense qu'on va arrêter sur ces mots-là en espérant qu'ils seront entendus, pourvu que ça dure. Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir pris le temps de nous parler un petit peu de ton métier puis de ton expérience au sein de Fadjet. Pas de problème Florent. Je vous propose qu'on écoute une bande-annonce d'une émission qui est arrivée à peu près dans ces eaux-là. Ça s'appelle Tumbleweed et on vous fait découvrir la bande-annonce tout de suite. C'est plus que radio, Fadjet. Au commencement, c'est du folk. Bill Seegers, Elvis, John Baez, Emile Waris. Notre country est toujours d'actualité. Les westerns, les festivals de Craponne-sur-Arzon et de Villers-les-Nancy et plein d'autres, via la line dance, le bluegrass, le old time et le traditionnel. Tumbleweed le lundi à 18h30 sur Fadjet avec Pierre et Eric. Si tu es converti à la music country, Nashville sera ton prochain souci. Voilà. Voilà, c'est la bande. C'est voilà. Lui, c'est il lui. Est en chair et en os ici. Voilà, alors on a fait la bande-annonce. Et comme je vous l'ai dit, il était dans le journal hier avec sa photo. Eh voilà, oui, alors voilà. Oui, cette chanson, ça s'appelle Nashville. Je l'avais sortie la première fois en 96, sur mon premier album. Et après, je l'avais ressorti sur un autre album en 2003 peut-être, ou... un album qui s'appelait Solitaire. Et voilà, oui, je racontais, en effet, parce que j'ai fait beaucoup de cabarets hein, dans le sud de la France, avec une guitare acoustique, que je racontais, écoute les paroles de cette chanson-là, tu verras où elle t'amènera. Voilà. Ah, oui, bon, on va pas vous mettre l'émission tout en entière de Tumbleweed, mais voilà à quoi ça ressemblait autour des années 1995. Il y avait aussi ce jingle kitsch qui tournait, on vous fait écouter. 95, s'il te plaît. Bah voilà, tu me dis ça, et bah du coup, il veut pas partir le jingle, ouais. Bah bravo. Fadjet, 6h minuit. On parie qu'il y a quelque chose qui vous passionne. Ouais, c'est pas si kitsch que ça en même temps. Je pense qu'il y avait pire. Si vous nous avez suivis ce matin, vous en avez entendu quelques-uns. Alors l'année 1995, on va quand même faire le topo sur ce qui s'est passé. Moi perso, j'avais 6 piges. Enfin, je dis ça comme si j'étais nostalgique, pas vraiment, parce que c'est pas une super année. Peut-être pour le vin, mais je suis pas spécialiste. Pourquoi c'est pas une bonne année? Parce que c'est une année qui, comme celle-ci, comme cette année, est marquée par les attentats. Alors, attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo, 12 morts, 5500 blessés, c'est quand même pas rien. Le 20 mars, attentat à la voiture piégée devant un bâtiment fédéral à Oklahoma City, faisant 169 morts et plus de 500 blessés. Et le 19 avril, les attentats de Paris, orchestrés par Khaled Kelkal, en juillet 1995. Bon, il y a aussi du positif, comme le plus grand rassemblement humain de l'histoire avec les JMJ, 4 à 5 millions de personnes pour Jean-Paul II, ou encore la découverte de la première planète extrasolaire, 51, Pegasi B. Pour les autres, 1995 sera l'année de l'élection de Jacques Chirac. Pour d'autres, ce sera l'année de sortie du titre le plus emblématique de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Mais on va pas l'écouter, je préfère qu'on écoute par exemple Lavillier qui sortait cette année Mélodie, Tempo, Harmonie. Précis et bourré d'humour noir. C'était donc mon ami depuis ce fameux soir. J'avais passé 10 ans à dormir en prison. C'était une drôle d'affaire pleine de coups d'escopette, de transporteurs de fonds et puis de grosses galettes. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Nous revoilà dans ce menu étudiant spécial 30 heures de direct non-stop à l'occasion des 30 ans de Radio Fadjet. Alors on va faire le point sur la création du menu étudiant, on va faire le point sur ceux aussi qui ont suivi, Anthony Chopard qui a repris le menu, et puis Pierre alias Roger qui est là, qui a repris le menu étudiant juste avant moi. Avant toute chose, je voudrais vous faire rencontrer le créateur Quentin Charton. Est-ce que Quentin tu nous entends et surtout est-ce que tu vas bien? Je vais très bien et vous? Là, je vous entends, c'est très très bizarre de le faire par téléphone. Hein. C'est très perturbant. Hein. C'est les aléas du direct et c'est sûr que c'est perturbant par rapport à d'habitude, j'imagine. Il y a qui autour de la table là? Alors, il y a Roger qui est l'ancien coordinateur. Ouais. Bonsoir. Il y a Sarah qui est une ancienne chroniqueuse du menu étudiant. Oui. Il y a Anaïs qui est également une ancienne chroniqueuse du menu étudiant. Il me connaît. Salut Quentin. Ah Anaïs, oui, je sais que ça va. Bah oui, toi. Qu'est-ce que tu deviens? Alors, les enfants, hein? La famille. Et puis voilà, pour le moment, il y a les anciens, puisque l'équipe du menu étudiant actuel est en train de se préparer pour un menu étudiant plus standard qui arrivera à partir de 19h30. D'accord. Là, c'est le moment des vieux, c'est ça? C'est le moment nostalgie, on va c'est dire. C'est pour ça qu'on t'appelle. D'accord, ok. D'accord, très très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu mettre en place une émission spéciale quotidienne pour les étudiants? L'argent. D'accord. Bah, à l'origine, moi, je faisais déjà une émission de radio, une émission bénévole pour l'actu à l'époque. Et Fabienne et l'équipe de Fadjet voulaient justement mettre en avant les étudiants, créer une quotidienne, tout ça. Et ils cherchaient quelqu'un pour le faire. Moi, à l'époque, je finissais mes études. Du coup, j'avais rien de prévu sur le coup. Elle m'a proposé l'idée. Moi, j'ai adoré le concept. Et à partir de ça, justement, on a réfléchi à comment créer une quotidienne qui réunit les étudiants pour faire un truc assez sympa, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Puis ça a pris, il y a eu plein de chroniqueurs qui sont venus et ça continue jusqu'à aujourd'hui. En gros, c'est ça. Alors, je vais te faire écouter un petit truc. Tu me dis si ça te rappelle quelque chose. Vas-y. Ah, terrible. De l'info étudiante, des bons plans, du rire, de la bonne humeur et des cadeaux. Voilà la formule du menu étudiant saison 2. Soyez au rendez-vous du lundi au vendredi, 19h30, 20h sur Fadjet. Vous allez me faire pleurer, là. Oh bah attends, le pire c'est que j'en ai une deuxième. Il est très bon le gars qui a fait la voix. Hein. Je sais pas, particulièrement performant. Ouais, je suis assez d'accord. Bien, c'est terrible. Si seulement je pouvais l'avoir par téléphone pour lui poser 2-3 questions, je serais non, tellement heureux. Il est beaucoup pris, tu sais, c'est quelqu'un de maintenant et Fadjet, c'est pas assez pour lui. Il lui faut beaucoup plus. Aïe aïe aïe aïe aïe, ça prend le melon tout ça. Et bon anniversaire à Fadjet, hein, j'ai même pas dit encore. Ah bah merci, je pense que Fadjet te le rend hein, dans l'ensemble. Je voulais aussi te faire écouter un nouveau son. Celui-là aussi, il doit te dire quelque chose. Vas-y. Ça vous fera 9,42€. Client suivant. Bonjour, alors pour moi ce sera de la musique, l'essentiel de l'info étudiante, des bons plans sortis et de la bonne humeur s'il vous plaît. Avec des artistes qui joueront en live? Avec des artistes qui joueront en live. Très bien, on récapitule, vous prenez le menu étudiant avec l'essentiel de l'info et des bons plans étudiants avec le meilleur de la musique et plein de surprises. Ce sera tout? C'est possible tous les jours? Menu étudiant, votre nouvelle émission faite par des étudiants pour les étudiants du lundi au vendredi, 19h30, 20h sur FedJet. Terrible, mais je me rappelais même plus de ça. Et bah, je me rappelle à quel point je suis mauvais comédien. C'est quand même un petit genre de truc. C'était il y a 5 ans, hein. Il a fallu que j'aille fouiller un petit peu dans le grenier quand même pour trouver tout ça. Tu es obligé de dire que c'était il y a 5 ans. Oui. Tu veux les sujets qui fâchent, c'est ça? Bah, complètement, moi je veux la vérité, la transparence. Ah, je vois ça, mais c'était il y a 5 ans, mon Dieu, 2010. Oh, bon. Purée la vache, 2010. Oh, quelle horreur. C'était dur à mettre en place alors la création d'un menu étudiant, une quotidienne? Au début, il n'y avait rien, donc oui, c'est pas dur, mais il y a toujours beaucoup de boulot au début pour. Moi, le truc, bizarrement, le plus dur, c'était trouver le nom. Ah ouais? Moi, je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais fait un petit brainstorming, on était plusieurs, je cherchais, et il n'y avait vraiment rien qui me venait. Et comme moi, en général, je marche beaucoup par signe, j'attendais d'avoir. De voir dans la rue le signe et tout. Et en fait, je me rappelle le soir, on avait mangé des amis un Subway. Et je vois dans le Subway, je regarde le truc menu étudiant. Puis je me dis, bah écoute, c'est pas mal, il y a un menu, il y a pas mal de choses dedans. Moi, ça me plaisait bien. Et du coup, c'est comme ça que vous faites une émission qui s'appelle Le menu étudiant, du coup. Parce d'accord. Que j'ai mangé au Subway il y a 5 ans. Si t'avais été au bar, ça serait appelé Paye ta tournée, un truc comme ça. Exactement. Exactement ça. Et du coup, je suis pas sûr que Fadia, ce soit mieux passé. Tu vois, c'est un peu compliqué. Ouais, je veux bien te croire. Bon, bah merci beaucoup, en tout cas, Quentin, d'avoir pris le temps de discuter un peu avec nous. Pardon? Non, je disais merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous, c'est tout. D'accord, donc comme je suis au téléphone, je fais pas gaffe qu'on a la radio, du coup c'est un peu... c'est particulier. Et surtout, j'en profite, j'embrasse tout le monde, j'embrasse Fabienne, Yves, Jean-Luc, tous ceux avec qui j'ai travaillé, tous les autres. Continuez à faire de temps en temps, j'écoute, j'avoue, pas tout le temps. On va dire tous les 4-5 mois, j'écoute, on va dire, pour pas mentir. Et puis c'est toujours terrible, donc continuez, que tout le monde continue à l'esprit de Fadjet, c'est vraiment énorme. Bon bah c'est cool, on va essayer de faire en sorte que le menu étudiant dure le plus longtemps possible. En attendant, on va faire une petite pause musicale. Alors on est sur l'année 1995, mais c'est pas une chanson d'époque, au contraire, mais par contre c'est le groupe 1995. Et on se retrouve juste après pour peut-être avoir des news d'Anthony Chopard, ou dans tous les cas on aura le sacré Roger derrière le micro. À chaque ligne, un nouveau flow, un nouveau départ, une nouvelle histoire, un nouveau rêve, un nouveau cauchemar. À chaque ligne, on se disperse, ouais. Laisse les gaz et à chaque ligne, on se disperse, mais ça ne reste que du papier. À chaque ligne, j'essaie d'écrire un live, ce pitch et tous mes cinglés me disent flinguer. Mais je taffe au fried chicken, derrière je vide, mais je reste au grade de rimeur. J'époustoufle les bougles, les pousse tous sans un gab de videur. À chaque ligne, je me demande si ça va marcher devant leur clash là, de nasses qui ne me touchent pas. Je ne me mouille pas comme un mec qui ne sait pas nager. Allez, tous ces escrocs veulent vivre, finir, j'ai les chapeaux vides. Mais à chaque ligne, fois tout fin, je t'affirme et m'active. Mon ego me dit tu. À chaque ligne, un nouveau flow, un nouveau départ, une nouvelle histoire, un nouveau rêve, un nouveau cauchemar. À chaque ligne, on se disperse, ouais. Laisse les gaz et à chaque ligne, on se disperse. Mais ça ne reste que du papier. Parfois, je me mens, même quand je suis sincère. C'est peut-être que je sais pas qui je suis. On est dans un cercle et ils voudraient qu'on s'insère. Mais ça, c'est pas dans mon programme. Je reste pas sur la ligne, je suis qu'un hologramme. Mes potos calmes, mais je rassure la mine. Déjà sur la dive pour mes tirs au flanc, je m'active et chaque ligne est un tir offensif. Je suis qu'un minot pensif avec mes textes qui tuent dans la poche. À chaque ligne, t'as mes testicules dans la gorge. Mec, si tu vends la drogue, bélec à tes côtes, t'as fait nec à tes côtes, même si tu prends la porte. T'inquiète, c'est pour mes rabes et ça le fera. C'est facile à chaque ligne, c'est pour mes cras et malfra. Tape des phases de barre, je parle de cash et de tasse. Passe de cap et de l'âge, en gardant leur rage et leur rage. En parlant de rap, j'ai le talent rare à la tribe, call quest. Pas de compète, chaque ligne y'a des pailles qu'on baisse. Pas aussi trop speed, c'est un 995 et zoxy. aussi. J'aurais pu faire des crimes pour du Jean-Jean Matin. Boutu, franchement, mon rap est un métro. À chaque ligne, y a du changement. À chaque ligne, un nouveau flow, un nouveau départ, une nouvelle histoire, un nouveau rêve, un nouveau cauchemar. À chaque ligne, on se disperse, ouais. Laisse les gaz et à chaque ligne, on se disperse. Mais ça ne reste que du papier. À chaque ligne, je parle de baisse, de tests et de fesses. Des textes qui puent la défaite. Je laisse le rêve où je perce. De côté, des goûts, des cache-flairs, des verbes de merde. Faible, quand je parle de la zep, je gerbe et j'emmerde ma verre. Écoutez, je suis jamais sérieux dans mes vers. En effet, ma vérité est dans mes fers. Demande à mes frères, Lizzy est endetté. Je prends parfois la grosse tête, mais je fais semblant. Je suis comme ça juste dans mes textes. Je m'invente des pliages, des riades. C'est uniquement pour la frime. Je grosse en pli avec cigares, c'est juste pour faire le mec street. Et parfois je chante, ouais, je tente pour la flamme. Je suis qu'un homme, donc quand je frôle la mort, parfois je tremble. Les petits bricanes lorsque j'esquisse gimmick. Mais ce n'est qu'un trip lyrical. Et les MC's m'imitent. À chaque ligne, un nouveau flow, un nouveau départ, une nouvelle histoire, un nouveau rêve, un nouveau cauchemar. À chaque ligne, on se disperse, ouais. Laisse les gaz et à chaque ligne, on se disperse. Mais ça ne reste que du papier. À chaque ligne, un nouveau flow, un nouveau départ, une nouvelle histoire, un nouveau rêve, un nouveau cauchemar. À chaque ligne, on se disperse, ouais. Laisse les gaz et à chaque ligne, on se disperse. Mais ça ne reste que du papier. Yeah, aïe, 1-9-9-15, Giuliano, quad blême, Jupiter, Jazz, Frangin. Yeah, yeah. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Voilà, on est en train de revivre 30 ans de Radio Fadjet. Pour l'instant, on en est à l'année 1995. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a écouté 1995. On a eu un témoignage de Quentin Charton. Anthony Chopard, il est très occupé en ce moment. Ce que je vous propose, c'est de le prendre complètement au dépourvu, non pas de l'appeler, mais d'écouter un fichier son qu'il a réalisé à l'occasion des 25 ans. Parce que ça se peut fortement qu'il nous écoute et ça pourrait être assez marrant de l'écouter. Et après, promis, vous allez voir, il y a du dossier qui sort. Mais qui je suis, Anthony? Je suis étudiant et animateur de la matinale sur Fadjet, 94.2, service compris. Et ben, ce que représente Fadjet pour moi, tout simplement une radio de proximité, d'un service de proximité, puisque ça fait partie peut-être des débats du moment. Elle est proche de nous, elle nous donne une grande quantité d'informations, une grande quantité de loisirs, une belle qualité d'écoute et une belle qualité humaine aussi pour tous ceux qui travaillent. Et ce que je peux souhaiter, bien sûr, à Fadjet pour l'avenir, c'est de toujours continuer à grandir, de toujours proposer aux jeunes ce qu'ils attendent. Et pour fêter ces 25 ans de Fadjet, tous ensemble, eh bien, je donne rendez-vous à tout le monde le samedi 30 octobre à l'autre canal avec plein de surprises au programme. Le 30 octobre à l'autre canal, c'était donc les 25 ans de Radio Fadjet. C'était aussi un souvenir mémorable. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Bon, ça y est, maintenant on va partir dans la déconne, je le sais, parce qu'on arrive au troisième coordinateur, Pierre Linglin. La réputation. L'unique. Je vois même pas pourquoi tu dis ça, Florent, vraiment. Le seul et l'unique, le magnifique, dirais-je. Pierre, je meurs d'envie de te faire écouter un truc que tu as réalisé avec un certain Béranger. Oh oui. C'est une auto-promo de toute de grande classe. Hey Brandon. Yeah Peter. Où est-ce que je peux retrouver 25 chroniqueurs étudiants, des invités et des lives? Dans le menu étudiant Peter. Hein, tu sais Brandon, la vie c'est cher. Où est-ce que je peux trouver des bons plans, des astuces et des concerts pas chers? Ne sois pas si bête Peter, c'est dans le menu étudiant. Oh Brandon, j'ai besoin de m'évader, j'ai envie de cinéma, de littérature et de... Arrête de te torturer Peter, on a tout ça dans le menu étudiant. Dans quoi? Le menu étudiant. Ah, tu veux dire l'émission 100% étudiante du lundi au vendredi de 19h30 à 20h? Eh ouais, sur Fadjet. Trop bien. À toute, Brandon. Bye, Peter. Je retourne en cours. Bon, franchement, ça fait marrer tout le monde, tes conneries. Ça, c'est énorme. Ça, ça donne envie, quoi, pour le menu étudiant. C'est un peu ta touche. C'est ça, la touche Roger, dans le menu étudiant. Ouais, c'est comme ça. C'était un peu plus décalé. Je pense que les deux premiers, peut-être, un peu plus déconne. J'ai eu du mal à l'imposer, cette bande-annonce. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à l'imposer. Pourtant, je me souviens que t'étais très content, justement, de nous la faire écouter. Non, on avait bien ri avec Béranger quand on l'avait fait. Ouais. Vraiment, à l'heure actuelle, elle fait l'unanimité, en tout cas. Ah, bah, écoute. Moi, je vais essayer de négocier, savoir si je peux pas la reprendre parce qu'elle cartonne. Bon, alors, est-ce que tu peux nous dire que ouais, c'était quoi ta touche perso dans l'émission? C'était ça, un peu plus de déconne par rapport à avant? Ouais, un peu plus de beauté, de paillettes, ce genre de choses. Un peu plus de déconne, on va retenir ça. Mais c'était aussi pas mal de live. Ouais, il y avait beaucoup de live. On avait repris les lives qu'Anthony, je crois, avait abandonné l'année d'avant. Moi, c'était ma volonté de refaire rejouer les groupes étudiants qui n'avaient pas trop leur place dans les radios professionnelles. Donc, ça m'intéressait de leur donner leur chance. Donc, on avait relancé les lives. Ouais, les lives étaient vraiment relancés. Il y avait vraiment beaucoup de déconnes. Il y avait une équipe soudée. Je sais que moi, quand je suis arrivé, il y avait vraiment des gens qui étaient très soudés, hein, tout simplement. C'était là aussi, je pense que si tu devais utiliser un mot, tu dirais peut-être famille, parce que quand je suis arrivé, il y avait vraiment une équipe sympa. Ouais, quoi. Carrément. Bah, c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, on était 40. Il y avait 40 bénévoles. Ce que j'adorais, c'est qu'en fait les bénévoles revenaient dans les soirs où ils n'étaient pas prévus, juste pour rigoler entre nous, et je trouvais ça vraiment excellent. Et d'ailleurs, on s'est fait pas mal de soirées en dehors aussi, Fadjet. Mais Non, c'est faux. Donc ouais, c'était une petite famille. C'était très sympa. On était tous soudés. Alors Anaïs et Sarah, vous y étiez, vous, dans le menu étudiant de Pierre? Oui. Bon, des gros souvenirs, des grosses barres de rire, j'ai l'impression. Exactement. Et puis oui, les lives, vraiment, c'était vraiment incroyable chaque semaine d'avoir des artistes locaux qui venaient comme ça jouer. C'était bien d'avoir repris ça après Anthony qui avait abandonné, effectivement. Après, je tiens aussi à dire que c'est Anne-Laure aussi qui voulait relancer le truc, qui apparemment s'en occupait aussi. Qui travaillait beaucoup. Donc voilà, Anne-Laure qui était là aussi depuis le début du menu étudiant d'ailleurs. Qu'on salue. Et d'ailleurs, ça me fait penser que juste après le menu étudiant, vous aviez fait une émission qui s'appelait What the Fuzz. Ouais. Une émission super où vous receviez là encore des groupes. Alors, pas seulement étudiants, vraiment tous les groupes de la scène locale qui commençaient à cartonner. Ouais, ça allait loin. Ça allait, en fait, c'était le Grand Est. Ça allait jusqu'à Strasbourg, Luxembourg. Du coup, tout le Grand Est. D'accord. Bon, on va rester sur la thématique du menu étudiant, parce que là, j'ai encore une surprise. Ça, c'est ta chanson fétiche que tu m'as fait passer une paire de fois dans la transition. Alors, et c'était une belle découverte. Alors, techniquement, ce n'est pas ma chanson fétiche. Je comprends ce que tu veux dire. Mais alors, ça, c'était la chanson fétiche de Greg. De Swan. De Swan. De Swan. Pas Swan de l'émission Bienvenue chez Swan, mais de Swan, qui s'appelle réellement Swan. Qui était un chroniqueur qui faisait une chronique d'humour, et c'était une de ses chansons préférées, je crois. Eh bien, on l'écoute tout de suite, ça s'appelle Petit Poney. Petit poney, petit poney, petit poney, petit, petit poney, petit poney. Bon, on va l'écouter plus longtemps, petit poney. Il nous l'a chanté plein de fois, en tout cas. Oh merde. Par contre, si tu veux me faire plaisir, ouais. Vraiment, et je pense que la chanson fétiche, c'était What is Love de Hathaway. Moi, j'étais sûr que t'avais dit ça. Alors, celle-là, par contre, qu'est-ce que j'ai pu la faire péter? Et je me rappelle même Fabienne qui me disait, mais ce n'est pas très étudiant, ce n'est pas très jeune. Bon, je suis pas d'accord, je pense que c'est assez étudiant quand même. Voilà. Alors, What is Love de qui, tu m'as dit? Parce que je suis en train de chercher. Hathaway. Bon, vous savez quoi? Je vais vous remettre Petit Poney. Hathaway. Petit poney, petit poney, ça passe vachement bien en transition, petit poney. Alors, je te fais ce petit plaisir. Hathaway, What is Love? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Yeah, Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes les bienvenus dans le menu étudiant, au plein cœur de cette émission spéciale 30 heures de Radio Non-Stop. Ça se fend la gueule en studio. Ouais, parce qu'il y a trop fan, ça pue du cul. Ah bah voilà, ça c'est dit, Olivier, t'auras le droit de frapper Pierre. On va prendre un menu étudiant plutôt standard, puisque nous avons nos chroniqueurs habituels, hormis Elian, qui est venu expressément du passé, depuis l'année dernière. Ouais, c'est ça. Pour nous faire un petit point. Alors, on va parler de quoi, Elian, exactement? Alors exactement, on va parler de contestation étudiante. Ça te va? Vas-y, moi je j'aime la contestation. C'est parti, conteste mon pote. Bah tu sais, t'es pas sans savoir que les étudiants sont parfois considérés, surtout un peu à droite, comme des dangereux contestataires révoltés qu'il est difficile de contrôler. Et il faut dire quand même qu'il s'agit de dès qu'il s'agit de faire entendre sa voix, ils sont souvent bien organisés et en première ligne pour s'opposer à des projets de loi du gouvernement. Souvent de droite, il convient de le préciser. J'ai donc décidé de revenir sur les grands mouvements étudiants de ces 30 dernières années qui ont pour certains marqué toute une génération. C'est notamment le cas de la loi Devaquet en 1986. J'en avais déjà parlé et j'espère que tu t'en souviens. Je m'en rappelle complètement. Juste du nom, pas de ce qu'il disait, mais voilà. D'accord, bah ça fait plaisir de faire des chroniques pour toi, je le referai très souvent. J'ai la mémoire courte. Non, c'est pas grave. Donc le projet de loi Devaquet, c'était un projet de mise en concurrence des universités avec projet de sélection à l'entrée. C'était une question qui revient un petit peu aujourd'hui. Mais bref, en tout cas, à l'époque, il y avait eu un énorme tollé avec de grosses manifestations à l'automne 1986 qui a mené à la mort d'un étudiant, Malik Houssekine, le 6 décembre 1986. Ce qui a conduit, bien évidemment, à la démission du ministre Alain Devaquet, qui a été débarqué, enterré, et son projet de loi avec. Forcément, qui dit manifestation étudiante dit... Débordement? Non, bah, non, mais qu'est-ce que ça veut dire tout de suite, débordement? Non, dit slogan. Ah, ah. Alors, je dois admettre que... Cul, quand même. Comment ? Tout ce qu'on retient, c'est dans ton cul. Dans ton... Mais non, effectivement, mais voilà, mais c'est à partir de cette manifestation que tous les slogans ont été un peu repris dans les manifestations par la suite, en tout cas. Et j'ai quand même quelque chose à dire, c'est qu'à l'époque, on savait un petit peu mieux, je crois, respecter les forces de l'ordre. Écoutez, c'est l'étudiant. Surtout, ne pas cibler les flics qui sont avec nous. Pas directement, mais ils sont là pour éviter les castagnes. Alors surtout, ne pas les provoquer, ne pas les cibler. Voilà, donc on essaye d'éviter la castagne, comme il dit. Et la castagne, ça me fait penser aux frères gitans, là, tu sais, dans le sud. Ah oui. La castagne, c'est pour les hommes. Bref, j'ai pas compris la réponse. Mais si, parce que tu regardes pas assez internet. Les Lopez. Voilà, les Lopez. Lopez. Ah. Les gitans, ouais. Lopez, non? Ok, bon bah je regarderai. Bon, en tout cas, arrête de regarder Lina, merde, il y a des trucs beaucoup plus cons. Ça va, Lina, c'est. Non, j'ai rien à dire, c'est génial, Lina, tu devrais t'inscrire sur le site de Lina d'ailleurs. Ok. Les archives, c'est la vie, je ne cesse de le dire. Enfin bref, donc du coup, depuis 30 ans, les mouvements contestataires se sont multipliés. Par exemple, tout le monde se souvient en 2003 du projet licence master doctorat qui avait fait un tollé à l'époque et qui est passé quand même, puisque tout le monde le sait ici que le système licence master doctorat donc a été mis en place, hein, pour se mettre un petit peu à la page des autres pays européens. Mais souvent aussi, les contestations ont été un peu exportées dans d'autres milieux que le milieu étudiant. C'est notamment le cas du projet de loi CPE, tout le monde s'en souvient quand même, en 2006. Oui, non, personne ne s'en souvient. Si, je m'en souviens. Si, quand même, voilà. J'espère quand même que vous êtes allé manifester, non? Oui, bien non. sûr. Et forcément, de la réforme des retraites, il n'y a pas si longtemps qu'on a tous un peu vécu, je pense, ici sur ce plateau. Non? Si, un peu, pas trop, mais ouais. D'accord, bon, bah voilà. Non, mais c'est pour dire que les étudiants, même si ce n'est pas des débats qui concernent les étudiants, sont quand même là pour lutter et pour manifester son mécontentement. Tout à fait. N'est-ce pas? Mais bien sûr, est-ce que tu veux du son pour illustrer tes propos? Bah écoute, non, pas tout de suite. On va arriver, mais tu sais que forcément dans les manifs étudiantes, souvent il y a un élément qui est tangent et qui porte à débat, c'est le nombre de manifestants. Ah oui, ils sont 15 selon la police et 2 selon les manifestants. Exactement, enfin, l'inverse. En tout cas, Action Discrète a une très bonne façon de compter les étudiants. Écoutez plutôt. 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988... Olivier, 51 pour te réchauffer. Merci. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57... 880, 881, 882... Tu en mets une 33? Ouais. 33, 34, 35, 36, 37... Tiens Didier, prends une 16. 16, 17... 18, 19, 20, 21, 1000, 1001, 1002. Tiens, Didier, il faut fuir la 8-6 là. La 8-6, tiens. 6, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 10, 8, 11. Voilà, donc c'était un extrait d'Action discrète sur les manifs étudiantes en 2009 lors de la réforme des retraites. Pour finir sur une note un petit peu humoristique. Eh ben merci beaucoup Elian, on aura encore bien déconné et on aura appris. On se rappellera de monsieur Devaquet. Bah, j'espère que tu te rappelleras de Devaquet parce que c'est quand même important, ça a marqué notre génération. J'irai m'inscrire à l'INA. Les 86 arts. Les 86 arts, bah bien sûr, les 68 arts, les 86 arts. Bon, on est en direct jusqu'à demain, 9h du matin, même pas, jusqu'à demain 15h. C'est la folie, 30 heures de direct non-stop, c'est pour les 30 ans de Radio Fadjet. Mais nous, on a encore une bonne vingtaine de minutes pour vous distiller du bon plan étudiant. Et en l'occurrence, eh bien, c'est ce qu'on va faire sans plus tarder, juste après ce petit jingle qui vous rappelle que vous êtes bien en direct. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Et les sorties étudiantes, eh bien, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est les bons plans. C'est tout de suite et c'est maintenant. Et je vous propose, dès ce soir, de fêter, eh ben, comme il se doit, comme vous le savez, en ce moment, c'est... Le Beaujolais. Merci. Eh ben, c'est ça. La soirée Beaujolais nouveau, donc la soirée tant attendue pour tous les amateurs du bon Beaujolais et de la bonne... Du bon gelé. J'ai cru que t'allais dire du bon vin et je sens que tu t'es retourné. Non, je voulais dire de la bonne fête franchouillarde. Et pour cette occasion, le Love Boat vous invite dès 21h pour une soirée dégustation. Donc je pense que c'est un bon prétexte pour se retrouver entre amis ou retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Voilà, j'ai une question. Est-ce qu'on peut dire dégustation pour du Beaujolais? Ça va être impossible à dire parce que je suis déjà... Déglutition peut-être. Comme vous le sentez, je sais pas. Moi j'ai choisi dégustation, après c'est vous. Mais en tout cas, c'est la tradition et ça existe depuis 64 ans, faut le savoir. Bah voilà. Oui, hein. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, je continue pour le vendredi 20 et pour ceux qui n'aiment pas du coup le Beaujolais, je vous invite plutôt à une soirée pour ceux qui sont plus premiers soins et garrots. Là, je me retourne vers un ami. Ah, les drogués, voilà. Je veux dire. Notre ami futur médecin. Il y a une soirée qui s'appelle Les infirmières se lâchent au César Palace à Épinal. Donc, pourquoi pas y aller si vous avez envie de vous trouver une petite infirmière, j'en sais rien, on sait jamais. Et voilà, danser sur les meilleurs sons de 2015 et faire monter la température du dance floor. Et pas de panique, comme je vous l'ai dit, si jamais vous faites un petit malaise à cause de la chaleur, eh ben, il y aura les petites infirmières qui seront là pour vous soigner. En prime, il y aura... Et plus si affinité. Pourquoi pas, c'est comme tu le sens. Ça fait partie des soins. Et en prime, il y aura des cadeaux et des goodies pour les plus fous. Et au platine, ça sera DJ Jérôme Masselin. Et ça, c'est pas n'importe qui vous fera bouger toute la nuit et l'entrée de 2 euros. Donc, pourquoi pas? Bah, si il y a Jérôme Masselin, évidemment. Si c'est, voilà. Forcément. Si c'est GG. Ensuite, je continue. Samedi 21 novembre, je vous propose la soirée Selfie Party. Tout le monde sait ce que c'est des selfies, hein. C'est la tradition maintenant chez les jeunes, tout le monde prend des selfies. Si, on dit plus on prend une photo, on dit viens on prend un selfie. Si, mais c'est non, parce mais que t'es pas Elian, dans la tendance. Tu es déjà vieux, t'es cuit, voilà. Tu non, mais moi je traîne sur le site de l'INA, donc voilà, ma cause est perdue. Déjà non. De base, tu peux pas toi, comprendre. Tu prends des Polaroids encore, je crois. Carrément, ouais, c'est tellement plus hype. Donc le concept en fait, de la fête, c'est de prendre en fait, un selfie pendant la soirée avec vos potes. Et en fait, vous le mettez sur le Facebook officiel du club. Et il sera ensuite retranscrit dans de grands écrans géants dans le club. Et pourquoi pas aussi, du coup, avoir un gagnant pour la plus belle photo de fou, enfin délirante, comme voilà, de petit foufou, quoi, comme vous le sentez. Et il y aura en cadeau, du coup, pour la plus belle photo, un selfie stick, donc la perche à selfie. Ah, d'accord, je comprenais pas ce que c'était que le selfie stick. Bah voilà, maintenant tu le sais. Et le tarif est de 10 euros avec consommation offerte. Bah, vaut mieux. Voilà, pour 10 euros, autant qu'on ait une conso offerte. Grave. Je continue pour samedi toujours et je vous invite à la soirée gourmandise. Donc, venez céder à la tentation. Et si... Parce que la gourmandise, on le sait, c'est pas un vilain défaut finalement. On est d'accord. Bah, non, attends, d'accord. J'ai faim. Voilà. Donc, c'est la nuit de la gourmandise et. Il y aura des brochettes de bonbons, de la guimauve, c'est la fun line, comme vous pouvez le voir. Et donc, vous pouvez partir dans un pays totalement de sucreries et du palais des caries. Pardon. Et bien évidemment, le cauchemar des dentistes. Hein. Et donc l'entrée est offerte. Donc je pense pas que c'est leur cauchemar. Oui, moi non, plus. Non, mais le cauchemar à nous plutôt. Tu voilà. vois. Et l'entrée est offerte pour tous avant minuit. Et je l'ai pas précisé, mais c'est au Tequila Club dans les Vosges. Et du coup, donc je vous invite à y aller. C'est à consommer sans aucune modération. Aussi quand même un peu. Ouah. Sinon après t'as trop de sucre, c'est Emery qui me l'avait dit la dernière fois. Ça va, si t'as faim, il faut aller dans les Vosges. Voilà. Ensuite, bah toujours samedi, hein, samedi il y a plein de fêtes. Je vous invite à la Villa Rouge à Metz. Alors pour le coup, je sais pas s'il y a des amateurs de télé-réalité autour de cette table. Si carrément. Non. Bon, qui connaît les Marseillais? Même si vous regardez pas, vous savez qui sont les Marseillais. Oui, malheureusement. Vous savez le truc des ch'tis, le truc des Marseillais, bref. En tout cas, à la Villa Rouge, ils ont invité des personnages les plus emblématiques de la télé-réalité qui sont issus des Marseillais, qui sont Antonin et Manu. Emblématique, carrément, le mot là. On les connaît tous, c'est forcément. C'est des symboles maintenant, de toute une génération. Dans le cadre de la télé-réalité, hein, je précise d'accord. bien. Donc. Comme je l'ai dit, pour les fans de la télé-réalité, c'est le moment de venir rencontrer eh ben, ces fameux personnages à la Villa Rouge. Au platine, il y aura DJ K-More. Jérôme, mais salut. Non, K-More. Et ça sera à 21h à la Villa Rouge, comme je l'ai dit. Je préfère le préciser. Et je termine sur une note plus Saturday Night Fever, puisqu'il y a la soirée disco la plus attendue de toute la région Lorraine. Vous avez vu comment je le vends. Vous pouvez retrouver tout les meilleures musiques du disco, tout ce qui est bah, funk. Il y aura Patrick Hernandez. Non, il y aura John Travolta. C'est bien aussi. Hein, t'as vu? C'est mieux. Et donc sortez les paillettes et les pantalons à pattes d'ef, puisque c'est à partir de 23h, l'entrée est de 5€ et c'est à la Capitole, à Saint-Julien-les-Messes, près de la zone du Kinépolis. Bon bah les copains, si avec tout ça vous n'arrivez pas à vous en jaillir ce week-end, ah, ça c'est clair. Quand même c'est que vous avez merdé. Merci beaucoup, on va faire un point, une pause musicale. Après on fera un point sur l'actu hein, maintenant de ce qui se passe pour les étudiants. Ce sera avec Léina, juste avant la chronique d'Emery qui nous parlera santé et notamment des fast-food. Tout de suite Gorillaz avec Punk. Et ça démarre tout doucement. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Et on commence ces informations tout de suite avec Léina. Oui, alors international, fin d'une prise d'otage dans un hôtel à Bamako. Donc c'est une info un peu de dernière minute puisqu'elle est arrivée il y a une heure de l'AFP. Donc il y avait eu un assaut du GIGN malien ce matin parce que des terroristes avaient attaqué l'hôtel Radisson Blu dans la capitale. Donc du Mali justement, Bamako, et retenait les clients et les employés à l'intérieur en otage. Ceux-ci ont tous été libérés et les assaillants n'ont désormais plus personne entre leurs mains. 18 corps ont été retrouvés, dont au moins 3 otages, ceux de 3 otages, pardon. La traque des terroristes continue et des forces spéciales françaises et américaines avaient participé à l'assaut. D'accord. France, une augmentation des demandes d'engagement dans l'armée. Donc c'est une conséquence totalement inattendue des attentats du 13 novembre. Le site de l'armée de terre s'engager.fr a vu le nombre de demandes tripler puisque celui-ci est passé de 500 demandes par jour à plus de 1500 depuis vendredi dernier. C'est un phénomène totalement inédit, je n'en reviens pas, reconnaît le colonel Lapresle, chef du bureau marketing et communication de l'armée de terre. Les causes sont diverses puisqu'il n'y a pas seulement les attaques. Il y avait aussi la décision de François Hollande de sauver une partie des postes qui devaient être supprimés. Donc du coup, qui a poussé l'armée de terre à repartir en campagne après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Il en avait alors eu 5 en un an contre 3 les années précédentes. On attend 15 000 nouvelles recrues pour l'année 2015 contre 10 000 en 2014. Donc le Figaro étudiant a décidé d'interroger des étudiants directement sur les motivations qui les poussaient. Donc parmi les réponses, la volonté d'agir pour son pays est vraiment beaucoup mise en avant. Je ne veux pas faire James Bond, je veux juste servir l'État ou alors aider les populations. Une des premières missions de la défense nationale est de protéger et de rassurer les gens. On va finir avec un peu d'humour. Après toutes ces tristes nouvelles, oui, c'est pas facile d'enchaîner. Mais... Donc, quand Twitter répond par l'humour à l'horreur, le rire comme arme afin de réagir aux événements tragiques des derniers jours, les réseaux sociaux ont multiplié les détournements et les caricatures en tout genre, y compris ceux de l'interview de Jawas sur BFM. Ah oui. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est assez hallucinant, puisque justement, Jawad avait été interviewé par les journalistes de BFM TV. En assurant qu'il n'était pas au courant d'avoir hébergé des terroristes chez lui et qu'il ignorait leur implication dans les attentats. Avant de se faire arrêter par la police 30 secondes après la fin de l'interview. Donc les internautes se sont amusés à parodier les justifications. On a pu lire par exemple sur Twitter, quand ils m'ont demandé de faire des cocktails Molotov, j'ai répondu que j'étais pas barman. Ou alors effectivement j'ai entendu le mot grenade mais j'ai pensé à ces délicieux fruits exotiques. La meilleure, moi ils m'ont dit, une meuf c'est une bombe, j'ai mis du temps à capter. Un compte Twitter a carrément été créé qui s'appelle Le Logeur de Daesh, qui compte désormais 36 000 abonnés. Un événement Facebook a aussi été créé, qui s'intitule Soirée Pyjama chez Jawad et qui affiche désormais 230 000 participants. Les plaisanteries sont parfois un peu plus corrosives aussi, surtout sur les sites parodiques comme le Gorafi ou le site nordpresse.be. Donc c'est un site parodique comme le Gorafi, mais version belgique. On a pu voir par exemple une réédition d'un vieil article de 2012 sur le site de Gorafi, copé navré du temps perdu à ne pas stigmatiser les minorités. Ou alors les Expandables envoyés en renfort à Molenbeek. Et aussi sur le site algérien El Manchar, Marine Le Pen demande l'internement à titre préventif de musulmans après les attentats. Donc voilà. Bon, bah, il faut savoir rigoler de tout, hein ? On va dire ça comme ça. J'en avais vu une bonne sur le logeur de terroristes, là, Jawad. Et il avait dit quoi ? Quand ils ont parlé d'Arsenal, moi je croyais qu'ils étaient fans de foot. Voilà, ça m'a fait rigoler. Ouais, tout de suite, on va faire une petite transition vers la chronique santé présentée par Emre. Merci en tout cas, Léna, de nous avoir renseigné sur l'actualité. Manu étudiant, 19h30, 20h. Et la santé, évidemment, c'est Emre qui nous en parle. Là, on va faire une spéciale fast-food parce qu'on sait que les étudiants sont très concernés par la junk food et notamment les fast-food. Exactement. C'était un sujet qui me tenait à cœur. Je me suis dit, je voulais le réserver pour les 30 ans de Fadjet. Et je vais faire une petite descente d'organes en ce qui concerne les fast-food parce que c'est vrai qu'on est un peu tous fans de... Oui, alors, redis voir la phrase. Une descente de... D'organes. Tu vas faire une descente d'organes. Non, pardon, excusez-moi. Je ne sais pas ce que je voulais dire. On va couper cette partie-là. Alors celle-là, non, moi je vais l'isoler, je vais le mettre dans le best-of. Parce que celle-là, elle est bien. Alors on va dire, tu vas faire une petite redescente. Oui, exactement, je vais descendre les fast-foods, on va dire ça comme ça. Voilà, descend les fast-foods. Voilà, on commence bien. Donc la France, en effet, c'est le deuxième marché mondial au niveau des fast-foods, juste après les Américains. Et c'est vrai que quand on regarde un peu chez nos voisins transatlantiques, on voit que niveau l'obésité, on a près de 63% de la population qui est atteinte d'obésité et de surpoids. La France ne devrait pas tarder à suivre parce que, comme je l'ai dit, donc c'est le deuxième marché. Les étudiants sont tout aussi accros à ces, on va dire, à ces produits, on peut appeler ça comme ça. Donc, on va diviser ça comment ? On va diviser ça sous forme de menu, en fait, ce qu'on peut manger éventuellement dans ces fast-foods. Donc, on les connaît tous. On a le célèbre McDo, on a le Quick, on a le KFC, on a bientôt le Burger King qui va s'amener à Nancy. Ils sont tous à peu près, on peut tous les mettre sous le même moule. Donc, au niveau de l'hamburger, on va commencer par lui. Donc, il faut savoir un truc. qu'il y a une expérience intéressante qui a été faite, malgré lui en fait. C'est une personne qui avait mis un Big Mac dans sa poche de veste et qu'il avait laissé dans un côté pendant 19 ans. Et en ressortant cette veste-là, il s'est rendu compte qu'il avait laissé son hamburger qui est resté intact. En fait, pas une moisissure, rien dessus. Sur le Big Mac. Ouais, et ça a fait pas mal de bruit, etc. Et donc depuis, sur des chaînes comme YouTube ou sur Internet, il y a pas mal d'internautes qui réessayent justement cette expérience et qui marchent à tous les coups. Les hamburgers issus donc de ces fast-foods ne périment pas. Donc on se pose la question, comment ça se fait, etc. Et bien c'est simplement qu'ils sont tellement bourrés de conservateurs et d'additifs chimiques que ces aliments ne pourriront pas. Ça se trouve d'ici 200-300 ans, bon, on n'aura pas l'occasion de le voir, mais les générations futures pourront encore prendre ce Big Mac. Est-ce que ça veut dire qu'il reste comestible? Mais non, ils sont absolument pas comestibles. C'est-à-dire que le pain est dur comme du béton, tu te casses les dents en le mangeant, mais c'est l'apparence. C'est-à-dire que normalement, un produit naturel a tendance à être biodégradable. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il moisit puis disparaît dans la nature. D'accord ? Donc en fait, pourquoi ? Donc on va prendre l'exemple d'un des sandwichs phares, on va dire, de McDonald's, mais on peut le comparer avec ceux de la concurrence, c'est les Big Mac. Donc en fait, le Big Mac est composé de quoi ? Donc 3 bannes de pain, 2 steaks hachés, 2 litres de salade, le tout baignant dans une sauce soi-disant inimitable. Donc en fait, le pain, c'est quoi ? Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du pain, parce que c'est composé d'eau et de farine. Donc, jusque-là, ça va bien, mais il y a 20 additifs ajoutés à tout ça. Parmi ces additifs, donc on a des conservateurs, on a des agents antimicrobiens, des colorants, des agents de texture, etc. Et la plupart qui sont d'ailleurs utilisés également dans l'industrie du plastique. Voilà, chose mise à part. Pour en venir à la sauce soi-disant inimitable, en effet, elle est inimitable parce que ils y mettent des ingrédients qui ne nous viendraient pas à l'esprit, en fait. On a des additifs, encore une fois, de type conservateur, de type antimicrobien, etc., qui se retrouvent également dans la sauce. Et pour en venir donc à la partie la plus importante qu'on savoure le plus, le steak haché. Le steak haché, quant à lui, donc on le garantit 100% viande de bœuf, etc. Mais sur une étude américaine qui a été faite sur donc 8 hamburgers qui venaient des 8 firmes, on va dire, fast-food les plus importantes, dont celles qui se retrouvent en France, eh ben, ils ont noté que 15% de viande, en fait, à l'intérieur de ces steaks hachés. Mais c'est quoi le reste ? Le reste, donc, il y a de l'eau. 50% d'eau. Bon, ça, à la limite, c'est pas mauvais, on va dire, pour l'organisme. Mais à côté de ça, il y a également donc des produits qu'on peut appeler bas de gamme, c'est-à-dire tout ce qui est nerfs, os, cartilage, qui sont broyés, qui sont ajoutés à cette mixture, on va dire, qui va devenir le steak haché. Moi, comme ça, j'aurais plus envie de dire steak haché plutôt que steak haché, personnellement. Mais il y en a qui, malgré ça, en raffolent quand même. À côté de ça, donc, on a le hamburger, mais on a également les frites qui sont aussi très très bonnes, qui sont très bons, etc. Et ben, ces frites-là, on a retrouvé du silicone dedans, par exemple, des dérivés du pétrole également. Pas mal. En tout, ces frites sont composées de 19 ingrédients. Bon, je sais pas, pour moi, des frites, ce sont des pommes de terre, on est d'accord ? À la base, ouais. J'ai la friteuse, bon, tu rajoutes un peu de sel, tu l'assaisonnes comme tu veux, un peu de sauce à côté, mais 19 ingrédients, ça me paraît quand même un peu beaucoup. Et attends, juste une petite question, parce que moi, j'avais lu sur Internet, et on lit beaucoup de choses sur Internet, qu'on pouvait avoir une addiction aux frites. What ? D'où ça vient ? En fait, ces produits-là, encore une fois, il peut y avoir une addiction à différents produits chimiques qui sont dedans. En fait, ce sont des recettes qui sont cachées quand même du grand public. C'est-à-dire qu'on ne dévoile pas tous les additifs qui sont dedans, etc. Mais il y a des additifs qui vous rendent accro. Notamment dans les frites, il y a des ingrédients comme du sucre. Je veux dire, je ne vois pas ce que du sucre ferait dans des frites, en dehors d'ajouter ce côté addictif au produit, en fait. Et pousser les gens donc à revenir en manger. Oui, mais j'imagine qu'il faut en manger tout le temps pour être addict. Oui, c'est pas en mangeant une fois que tu dis mon Dieu, non, je mange non, tout non, dans c'est comme ça pour tous les produits. Ouais. Il faut vraiment consommer régulièrement pour tomber, on va dire, dans l'addiction. Mais ça me fait penser à ce film qui a été Super Saiyan. Pas longtemps, ouais. Super Saiyan. Exactement. Ouais. Et voilà, belle transition. J'allais en parler également. Et en fait, c'était un film dans lequel il y avait une personne qui, pendant 3 mois, si je ne me trompe pas, avait matin, midi, soir, en fait, s'est dit écoutez, je vais consommer que McDo. Et ben, à la fin, on voit très bien dans le film que le gars, il est presque, on va dire, à un moment donné, il se reconnaît plus, quoi. Quand il se regarde dans le miroir, il est tout ramolli, il est tout faible, etc. Il se reconnaît même pas, il est malade, il a des maux de tête. Il a chopé du cholestérol. Emery, t'es en train de me faire peur là, rassure-moi, oui. Quand même, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, une fois de temps en temps, c'est quand même pas grave. Une fois de temps en temps, c'est comme ça, c'est tout le temps comme ça. Une fois de temps en temps, ça fait pas mal. Mais le problème, c'est que si votre seul, on va dire, conduite à risque, c'est d'aller manger au fast-food, moi je dirais, ok, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres choses à côté. Il y a la consommation de sucre, on en avait parlé, il y avait d'autres consommations. Moi, je voulais dire quelque chose. Honnêtement, au lieu d'aller se faire un fast-food comme ça, économiser une fois, Et puis allez, faites-vous un resto, un petit resto, voilà, c'est pas beaucoup plus cher. Propre hamburger, c'est faites maison. Exactement, faites c'est un hamburger maison. Là, au moins, vous serez sûr d'avoir un steak, avoir de la viande dedans et pas simplement 10% de viande. Vous aurez de la vraie salade, du vrai pain. Le pain lui-même n'est pas être considéré comme du pain, quoi. Et donc, voilà, je vous conseille d'éviter ce genre de produits parce qu'en plus, ça a tendance à tuer tout ce qui est restauration locale. Il faut dire aussi ce qui est. Ça a un impact économique aussi à pas négliger. Et donc, voilà, les étudiants, je vous appelle à pas boycotter, mais on veut dire vous faire du bien au niveau santé, vous faire du bien à votre corps. Et pour ça, consommez soit maison, soit dans des restaurants qui proposent de la vraie nourriture. Merci beaucoup, Emery. Je pense que ton appel sera entendu. Moi, bon, en tout cas, ce soir, voilà, je cuisinerai. Voilà, promis, je ferai un effort. En plus, c'est pas forcément vrai, puisque vous le savez, nous sommes dans les 30 heures de Direct Non-Stop et j'aurai pas forcément le temps d'aller cuisiner. On va laisser la place à Electrophone pour une émission spéciale de 2 heures avec des groupes en live, Wise Dudes, Revolver, Hoboken Division ou encore Rich Deluxe. Eux, ils vont célébrer l'année 1996. Nous, on est encore dans 1995 par rapport à ces 30 ans de Radio Fadjet. Donc, on va écouter une chanson qui a cartonné en 95. C'était John Scatman. C'est assez spécial, mais je suis sûr que ça va vous dire quelque chose. I'm a scat man. I'm a scat man. Out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons who would try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and a hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Still sleeping, the saints are still weeping, cause things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man?